Ésaïe chapitre 37. Et il arriva qu'aussitôt que le roi Ézéchia eut entendu ces choses, il déchira ses vêtements, et se couvrit d'un sac, et entra dans la maison de l'Éternel. Puis il envoya Eliakim, maître d'autel, et Sebna le secrétaire, et les anciens d'entre les sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe le prophète, fils d'Amo. Et ils lui dirent, ainsi a dit Ézéchia, ce jour-ci est le jour d'angoisse, et de répréhension, et de blasphème, car les enfants sont venus jusqu'à l'ouverture de la matrice, mais il n'y a point de force pour enfanter. Peut-être que l'Éternel, ton Dieu, aura entendu les paroles de Rabsaké, lequel le roi des Assyriens, son maître, a envoyé pour blasphémer le Dieu vivant, et lui faire outrage, selon les paroles que l'Éternel, ton Dieu, a oui, fais donc requête pour le reste qui se trouve encore. Les serviteurs donc du roi Ézéchia vinrent vers Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, vous direz ainsi à votre maître, ainsi a dit l'Éternel, ne crains point pour les paroles que tu as entendues, par lesquelles les serviteurs du roi des Assyriens m'ont blasphémé. Voici, je m'en vais mettre en lui un tel esprit, qu'ayant entendu un certain bruit, il retournera en son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Or, quand Rabsaké s'en fut retourné, il alla trouver le roi des Assyriens, qui battait Libna, car Rabsaké avait appris qu'il était parti de Lachie. Le roi donc des Assyriens ouï dire touchant Tiraka, roi d'Éthiopie, il est sorti pour te combattre. Ce qu'ayant entendu, il envoya des messagers vers Ézéchia, en leur disant, vous parlerez ainsi à Ézéchia, roi de Juda, disant, que ton Dieu, auquel tu te confies, ne t'abuse point, en disant, Jérusalem ne sera point livrée en la main du roi des Assyriens. Voilà, tu as entendu ce que les rois des Assyriens ont fait à tous les pays, en les détruisant entièrement, et tu échapperais. Les dieux des nations que mes ancêtres ont détruites, savoir, de Gozan, de Charan, de Retsef, et des enfants des Dents, qui sont en Télazar, les ont-ils délivrés? Où est le roi de Hamath, et le roi d'Arpa, et le roi de la ville de Sepharvagim, et Naïva? Et quand Ézéchia eut reçu les lettres de la main des messagers, et les eut lues, il monta en la maison de l'Éternel, et Ézéchia les déploya devant l'Éternel. Puis Ézéchia fit sa prière à l'Éternel, en disant, « Ô Éternel des armées, Dieu d'Israël, qui es assis entre les chérubins, toi seul es le Dieu de tous les royaumes de la terre, tu as fait les cieux et la terre. Ô Éternel, incline ton oreille, écoute, ô Éternel, ouvre tes yeux, et regarde, et écoute toutes les paroles de Sennachérib, lesquelles il m'a envoyé dire pour blasphémer le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois des Assyriens ont détruit toutes les nations, et leurs contrées, et qu'ils ont jeté au feu leurs dieux, car ce n'était point des dieux, mais un ouvrage de main d'homme, du bois et de la pierre, c'est pourquoi ils les ont détruits. Maintenant donc, ô Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sennachérib, afin que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Alors Ésaïe, fils d'Amo, envoya vers Ézéchia, pour lui dire, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, quant à ce dont tu m'as requis touchant Sennachérib, roi des Assyriens. C'est ici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui, la Vierge, fille de Sion, t'a méprisé, et s'est moqué de toi, la fille de Jérusalem a branlé la tête après toi. Qui as-tu outragé et blasphémé? Contre qui as-tu élevé ta voix, et levé tes yeux en haut? C'est contre le Saint d'Israël. Tu as outragé le Seigneur par le moyen de tes serviteurs, et tu as dit, je suis monté, avec la multitude de mes chariots, sur le haut des montagnes, aux côtés du Liban, je couperai les plus hauts cèdres, et les plus beaux sapins qui y soient, et j'entrerai jusqu'en son plus haut bout, et en la forêt de son Carmel. J'ai creusé des sources, et j'en ai bu les eaux, et j'ai tari de la plante de mes pieds tous les ruisseaux des forteresses. N'as-tu pas entendu que déjà dès longtemps j'ai fait cette ville, et que d'ancienneté je l'ai ainsi formée? Et maintenant l'aurais-je conservée pour être réduite en désolation, et les villes munies, en monceaux de ruines? Or leurs habitants, étant dénués de force, ont été épouvantés et confus, et sont devenus comme l'herbe des champs et l'herbe verte, comme le foin des toits, qui est sec avant qu'il soit monté en tuyaux. Mais je sais ton repère, ta sortie et ton entrée, et comment tu es furieux contre moi. Parce que tu es furieux contre moi, et que ton insolence est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle en tes narines, et mon mors en ta bouche, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Et ceci te sera pour signe, ô Ézéchia, c'est qu'on mangera cette année-ci, ce qui viendra de soi-même au champ, et en la seconde année, ce qui croîtra encore sans semer, mais la troisième année, vous sèmerez et vous moissonnerez, vous planterez des vignes, et vous en mangerez le fruit. Et ce qui est réchappé et demeuré de reste dans la maison de Juda, étendra sa racine par-dessous, laquelle produira son fruit par-dessus. Car il sortira de Jérusalem quelques restes, et de la montagne de Sion quelques réchappés, la jalousie de l'Éternel des armées fera cela. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel touchant le roi des Assyriens, il n'entrera point dans cette ville-ci, et il n'y jettera aucune flèche, il ne se présentera point contre elle avec le bouclier, et il ne dressera point de terrasse contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Car je garantirai cette ville, afin de la délivrer pour l'amour de moi, et pour l'amour de David, mon serviteur. Un ange donc de l'Éternel sortit, et tua 185 000 hommes au camp des Assyriens, et quand on fut levé de bon matin, voilà, c'étaient tous des corps morts. Et Sennachérib, roi des Assyriens, partit de là, il s'en alla, et s'en retourna, et se tint à Ninive. Et il arriva qu'étant prosterné dans la maison de Nisroc, son dieu, Adramélec et Saretse, ses fils, le tuèrent avec l'épée, puis ils se sauvèrent au pays d'Arara, et Esaradon, son fils, régna en sa place.